Section 6. Chapitre 11, 12. Chapitre 11, où le nain siffle mieux qu'un merle. Le pauvre Aubry resta si triste que Jeannine eut pitié, mais elle ne lui rendit point sa main. « Berthe de Morvert est votre cousine, murmura-t-elle. Vous l'aimerez parce qu'elle mérite d'être aimée. Sur mon honneur, s'écria le jeune homme, je n'aimerai que vous. » Comme Jeannine allait répondre, un petit bruit se fit sous la feuillée. En même temps, un sifflet aigre et perçant modula le vieil air du pays de Combourg. Le page dit à Madeleine, « Toujours, toujours !»« Il y a quelqu'un dans le fourré !» s'écria Jeannine effrayée. Le sifflet se taisait. « Quelque patour qui passe !» dit Aubry. « Non, non, il n'y a qu'un être au monde pour siffler ainsi. Écoutez-moi, Jeannineau, je vous en prie. »« Écoutez-vous-même, messire Aubry !» interrompit la jeune fille, dont la voix était basse mais ferme. Je ne dois pas rester près de vous plus longtemps, il faut que vous lisiez au fond de mon cœur. Si j'étais une noble demoiselle, je vous dirais je suis à vous. Après Dieu, vous êtes mon maître et mon seigneur, car je vous aime. » Aubry voulut ressaisir sa main, elle la retira doucement. « Mais je ne suis qu'une vassale, reprit-elle, je ne peux pas devenir votre femme. « Pourquoi cela ? Se récria Aubry, mon père est mort, je suis chef de ma maison. « Je ne peux pas, répéta la jeune fille, parce que je ne veux pas susciter un fils contre sa mère. « Ma mère consentira. « Jamais, prononça Jeannine en secouant la tête. « Quand je lui dirai qu'il s'agit du bonheur de ma vie. » Le sifflet se fit entendre de nouveau sous le couvert. Il chantait l'air de la ballade Huelgoat. Bois brillant, triste et tout en pleurs, dit à la fière suzeraine, « Je l'aime, ô ma mère, et je meurs. Fillette, va cueillir les fleurs. » Que répondit la châtelaine ? « C'est le nain maudit !» s'écria Aubry en colère. On put entendre comme un écho étouffé de ce petit rire strident et sec que nous avons déjà ouï plusieurs fois. Puis le sifflet acheva la première strophe de la ballade. Fillette va cueillir les fleurs, l'aubépine et la marjolaine. La châtelaine répondit « Meurs ». Aubry et Jeannine savaient tous deux la poésie de la ballade. Pour eux, le sifflet parlait. Jeannine rabattit son voile et se leva. « Adieu, messieurs Aubry, » dit-elle. « Quoi, pas même au revoir ? » fit le jeune homme douloureusement. « Non, pas au revoir, » répéta Jeannine. « Ma grand-mère Fanchant le Priol habite la ville de Dole. Je vais demander dès ce soir à Madame Reine la permission de quitter sa maison pour aller demeurer avec ma grand-mère. Je prierai Dieu pour vous, messieurs Aubry, et pour Berthe, votre cousine, afin qu'elle vous aime et que vous soyez bien heureux tous les deux. » Il y avait de grosses larmes sur les joues de la pauvre Jeannine. Aubry la pria et la supplia de changer de résolution, mais tout fut inutile. À bout d'arguments, il se mit à genoux sur la mousse. À cet instant, le sifflet fantastique jeta un appel aigu et entonna l'air de l'écuyer Renan de Pierrefonds, qui tua sa fille Yolande et le gentil Olivier dans la forêt d'Alençon. Renan ceignit sa longue épée et mit son chapelle à l'envers, criant à tort et à travers « Vite-vous, ma fille, échappée !» Jeannine comprit et s'esquiva, légère comme une biche. Au bout de quelques secondes, elle avait disparu derrière les pousses-drues, des chênes et des châtaigniers. Aubry fit machinalement quelques pas pour s'éloigner lui aussi et se trouva face à face avec le bon Jeannin. Celui-ci n'avait point mis du tout sa toque à l'envers et n'avait garde de chercher sa fille échappée. « Holà ! » dit-il gaiement, « voilà messire Aubry qui prend goût aux promenades solitaires. Vertu Dieu, nous verrons graver bientôt sur l'écorce des hêtres le doux nom de Berthe de Morvert. » Aubry demeurait devant lui tout décontenancé. « Est-il défendu, balbutia-t-il, de chercher l'ombre quand il fait grand soleil ?»« Non pas, non pas, messire. Vous allez, vous errez, vous rêvez, tout cela est bien fait et finira, s'il plaît à Dieu, comme il faut. Quand Jeannine, ma petite fille, aura le bon âge, j'espère qu'elle se trouvera aussi quelque vaillant homme d'armes pour la servir et demander sa main. Elle n'est pas mal venue, ma petite Jeannine, n'est-ce pas vrai ? Elle est belle comme un ange, s'écria Aubry. Là, là, voici bien les amoureux. Vous êtes si accoutumé de songer à votre perle de beauté, messire Aubry, que vous voyez partout des anges. Mais Jeannine ne se promène pas encore dans les bois, et nous avons du temps devant nous. Le sifflet pointu comme une aiguille lança le refrain si connu et qui date, dit-on, de la genèse du bon connétable du Guesclin. « Je t'en ratisse, mon ami Bertrand, je t'en ratisse !» Messire Aubry devint plus rouge qu'une cerise. « Oh oh !» dit Jeannin, « il paraît que Fierabras se promène, lui aussi, mais il est trop grand seigneur pour suivre le chemin battu. Je gage qu'il est tout en haut de quelques châtaigniers. » Il leva la tête et la baissa aussitôt, comme on fait pour éviter un objet qui tombe. L'objet, c'était le nain lui-même qui avait trouvé bon de se laisser choir d'une branche où il s'asseyait. Il tomba califourchon sur l'épaule de Jeannin et se mit à rire de tout son cœur. « Non, non, dit-il, notre fille Jeannine ne court jamais dans les bois. »« Oui, oui, ajouta-t-il en regardant Aubry qui détournait la tête. « Mais sire Aubry songe à sa belle parente depuis le matin jusqu'au soir. Voilà des vérités, Jeannin, mon ami, à la bonne heure. »« On laisse ce nain prendre trop de liberté, » murmura le jeune homme dont les sourcils se fronçaient. « Oui, da, » répliqua Fierabras effrontément. « Eh bien, messire, ce nain est plus discret que bien des hommes de bonne taille, car il retient sa langue à l'heure même où on le pique. »« Que veux-tu dire ?» demanda Jeannin. « Tu parles toujours en parabole. » « Je veux dire que vous vous entendez bien enlever la quintaine, mais... » Il s'arrêta, Jeannin le prit dans ses bras et le regarda en face. « Il y a donc quelque chose qui m'échappe » demanda-t-il. Aubry était à la gêne. « Il y a, répondit le nain, que sur la route de l'île-mer, un bonhomme chevauche en ce moment sur un pauvre méchant bidet du pays Avranchin. Cet homme-là demande tout le long du chemin par où il faut passer pour gagner le manoir du Rose. Il a des éperons d'or, non point à ses talons, mais dans sa poche. Des éperons d'or qui pourraient bien s'attacher au brodequin de Maître Jeannin, si Maître Jeannin le voulait. » Aubry haussa les épaules avec humeur. « Par le diable, tu t'expliqueras !» s'écria Jeannin, qui lui serra les poignets. « Mon brave compagnon, répondit le nain, la lisière de la forêt est ici à 25 pas, sur la droite. Vas-y, tu verras la route de l'île-mer, le bonhomme et son méchant bidet. » Jeannin, sans lâcher Fierabras, se dirigea vers la lisière du bois. À peine dépassait-il les derniers arbres qu'il aperçut au bas de la montée un voyageur vêtu d'un pauvre surcot de drap brun et coiffé d'une casquette à bateau. « Holà, mon maître !» cria le voyageur. « Pour aller au manoir du Rose, s'il vous plaît !» Dans sa surprise, Jeannin ouvrit ses deux mains, le nain sauta sur le gazon et se prit à gambader sur la mousse. « Messire, messire » dit-il à l'oreille d'Aubry, qui s'approchait, pensif et soucieux, « nous en verrons bientôt de belles. » « Mais je suis un homme et je m'intéresse à vous. N'ayez pas peur. » Aubry ne put s'empêcher de sourire. Le nain mit sa tête rouge dans une haie, qui garda bien quelques cheveux crépus, et passa de l'autre côté. « Le manoir du Rose est là, au bout de cette avenue, mon homme, » disait cependant Jeannin au voyageur. « Je vous prie, qui venez-vous chercher ?»« J'y viens chercher un homme d'armes, nommé Jeannin, natif du bourg des Quatre Salines, en Grève. » « De quelle part ?» De la part d'un bon religieux qui est son compère et qui m'a remis son chapelet afin que j'aie créance auprès du dit Jeannin. » L'homme d'armes examina le rosaire de Bruno la Bavette et le reconnut. Il prit le cheval du voyageur par la bride. « Venez donc, dit-il, mon compagnon, je vais vous conduire au manoir et vous donner la collation de mon mieux, car je suis ce Jeannin que vous venez quérir. » Maître Pierre Gillot de Tours en Touraine, valet d'Olivier Ledain, barbier du roi Louis XIe, fit un salut honnête et tout plein de décents de réserve, après quoi il se prit à considérer Jeannin. Aubry avait profité de l'occasion pour s'enfoncer dans la forêt, mais les hêtres pouvaient végéter tranquilles. Le nom de la belle Berthe de Morvert ne menaçait point leur écorce. Pierre Gillot, cependant, poursuivait son examen sans mot dire. « Voilà donc, pensait-il, ce qu'ont fait des braves gens au pays de Bretagne. Cet homme-là est connu du duc François, connu de Monsieur Tanguy, connu de tous les grands vassaux de Bretagne. On le laisse, parce qu'il n'est point gentilhomme, tenir le manchon d'une douairière de moyenne noblesse et apprendre le métier de casseur de bras à quelque héritier de Hobereau, niais comme une toute nichée de buse. Ah, Pâque-Dieu, Pâque-Dieu ! Le monde est fou, et le jour viendra où la roture en colère inventera quelque bon engin pour remplacer corps de mon compère Tristan l'ermite, laquelle besogne va trop lentement et péniblement à mon gré. » Jeannin tourna un coude de la route, et le manoir du Rose apparut au regard de Pierre Gillot. « c'est cela !» songea-t-il encore, pendant que sa lèvre tombante se plissait en un sarcastique sourire. « On connaît la taupe à son trou, l'hidalgo à sa poivrière, Notre-Dame de Tours, ses pignons gris et ses girouettes qui crient au vent comme des fraisais ont mauvaise odeur de gentilhommerie. Croquant, sieur de pantoufles, gorge chaude, pichenette et autres lieux, cousin du roi. Ah, monsieur Saint-Michel me soit en aide. Je leur lâcherai dame bourgeoisie aux trousses. Et si dame bourgeoisie fait la rogue, d'autres viendront qui aiguiseront les dents de Jacques Bonhomme. » Il se mit à rire méchamment et ajouta, « Qui vivra verra. » Ce Tarquin coupait avec sa baguette les hauts pavots qui rompaient l'équilibre de son champ. « C'est toute la science de régner, Pâque-Dieu !» Les petits sont toujours les amis du roi. Les grands s'agitent, grondent et mordent. Seulement, si vous tranchez le chêne au pied, 10 autres chênes poussent à la souche. Il s'agit d'arracher la souche. Tarquin avait-il songé à cela ? Veuillez mettre Piéter, mon compagnon, dit Jeannin qui arrivait au bas du perron. Pierre Gillot lâcha incontinent la bride et vida les étriers. Jeannin donna son cheval au palefrenier, mit la toque à la main et introduisit son hôte dans la salle à manger du Rose. Il fit mettre sur la table du vin et des confitures. Pierre Gillot le considérait toujours et il pensait « Y a-t-il donc de la cervelle sous ces belles boucles blondes ? Joli écuyer, vraiment, pour châtelaine entre deux âges, bras d'acier, tête de soie, est-ce bien là mon homme ?»« Et comment se porte mon compère Bruno ?» demanda Jeannin en prenant place. « Assez bien, c'est bien, la langue un peu fiévreuse. Savez-vous, mon maître, qu'il raconte de vous de fiers exploits, ce bon frère ? Que ne raconte-t-il pas ?» Il remplit de verre et leva le sien. « À votre santé, mon compagnon, » dit-il. « À la vôtre, mon digne maître, » riposta Pierre Gillot, qui ne fit que tremper ses lèvres dans le breuvage. Ils étaient attablés au milieu de la salle. Par une fenêtre ouverte, la tête ébouriffée et sanglante du nain fier à bras se montra. Gillot et Jeannin lui tournaient le dos. Le nain riait tout bas et ses yeux pétillaient de malice. Il ne pouvait voir le visage de l'étranger sous la longue visière de son chaperon. Son petit corps se guinda en équilibre sur l'appui de la croisée. Puis, sans bruit aucun, il descendit, glissa sur les carreaux humides et disparut derrière la porte du buffet que Jeannin avait laissé entrebâiller. L'écuyer et son hôte ne l'avaient point aperçu. « Or ça, dit Jeannin, mon compagnon, vous plairait-il de m'apprendre ce que vous désirez de moi ?» Chapitre 12 Où Fier à bras se montre gourmand. Pierre Gillot prit son air le plus aimable et fit à Jeannin un petit signe d'intelligence. « Mon compagnon, dit-il, je vais m'expliquer et m'expliquer clairement, ainsi qu'il convient entre deux bonnes gens. Mais je n'aime pas beaucoup à parler comme cela, portes et fenêtres ouvertes. Souffrez que je ferme la croisée. Fermez tout ce qu'il vous plaira, repartit Jeannin. Pierre Gillot se leva et fit basculer le lourd châssis de la fenêtre dans sa rainure poudreuse. De cette sorte, reprit-il, les oreilles curieuses, s'il y en a, seront bien attrapées. Oh que ouida, pensait fier à bras la Régnoire, dans son buffet, où il détachait avec soin le couvercle d'un pot de conserve. Pierre Gillot vint se rasseoir et croisa ses jambes mal chaussées l'une sur l'autre. « Donc, commença-t-il, voici ce qui m'amène. Vous avez été à la cour de Nantes, n'est-ce pas, maître Jeannin ? Plusieurs fois, pourquoi ? Vous allez voir, vous étiez de l'armée du bien public, sous mon Léry. J'en étais. Vous êtes fidèlement attaché à votre seigneur, le duc François de Bretagne. Si vous ne veniez de la part d'un vieil ami, mon camarade, je ne vous permettrai pas cette question-là. À la bonne heure ! S'écria Gillot, qui s'essayait à prendre des allures de bonne brusquerie. À la bonne heure ! Eh bien, maître Jeannin, je crois que nous allons nous entendre. Le vieux Bruno savait que j'avais dans la main une entreprise à gagner de l'honneur et de l'argent. Il est descendu de son donjon jusqu'au quartier des serviteurs du roi, desquels je suis, et m'a dit « S'il vous faut un homme brave, sûr, fort, intelligent, dévoué, prenez Jeannin. » Sauf la finesse, dit le bon écuyer simplement, je crois avoir en effet toutes ces qualités-là, mais à quoi peuvent-elles présentement servir, mon camarade ? Gillot baissa la voix. « Je suis Olivier Ledain, barbier du roi, » dit-il. Jeannin releva sur lui ses grands yeux bleus pleins de franchise et ne cacha point son étonnement. « Tiens, tiens !» faisait le nain dans son armoire. Olivier Ledain était aussi connu que son maître, Louis XI, le souverain le plus populaire qui fut alors au monde. « Ah ! » dit le bon écuyer, « vous êtes Olivier Ledain. Peste ! Je n'ai point été accoutumé à voir de si près de grands personnages, et j'aimerais mieux, s'il faut le dire, un autre compagnon. » « Mais parlez, maître Olivier. Peut-être voulez-vous faire le bien une fois en votre vie. Je vous écoute. » Pierre Gillot souriait et jouait avec la chaîne d'orfèvrerie qui soutenait sans doute sa boîte à rasoir. « Je vois, reprit-il, que ma réputation ne vaut pas grand-chose de ce côté-ci du Couesnon. Mais j'ai le cœur humble et ne me soucie point des méchants propos. Maître Jeannin, je viens vous apporter la fortune. » Depuis une minute, Jeannin se doutait de ce qu'on allait lui proposer. Il s'en doutait à cause du choix qu'on avait fait d'Olivier Ledain. Ce n'était pas un diplomate que notre Jeannin, il laissa échapper sa pensée. « Je croyais, dit-il, que Sa Majesté s'était adressée déjà au comte allemand, au ton de Beringhem. »« Oh oh ! Fit Gillot, qui se dérida tout à fait. « Nous avons donc deviné, mon compère. Nous savons que je viens ici de la part de Sa Majesté pour l'affaire du duc François, qui a insulté son seigneur. Le duc François a un suzerain, mais il n'a pas de seigneur, répliqua Jeannin vivement. « Son suzerain, voulais-je dire, reprit Pierre Gillot avec docilité. Bien que François de Bretagne ait fait hommage lige, tête nue et à deux genoux, pour ses domaines de Poitou et de Saintonge. Mon compère, le roi ne s'est pas adressé au comte Othon Beringhem, qui est hérétique et païen. Le roi ne s'adresse à de pareilles engeances que pour les donner à son prévôt de corde, M. Tristan l'ermite, qui les donne, lui, au grand diable d'enfer. Le roi, que les têtes folles et les traîtres barons, ennemis du pauvre peuple, calomnie mâlement du matin au soir, veut la paix et il l'aura. Le roi est mieux pardonné que punir. « On ne dit pas cela, objecta Jeannin. On a trop intérêt à dire le contraire. Le roi n'a qu'un désir, prêter l'accolade sincère et loyale à son bon cousin de Bretagne, qui le chérirait bien s'il le connaissait mieux. Dans l'armoire aux conserves, le nain résolvait ce problème de bâiller la bouche pleine. « Voilà un prêcheur ennuyeux, pensait-il, et pourtant les confitures sont bonnes. » « Eh bien, dit Jeannin, que le roi monte à cheval et qu'il aille rendre visite à son noble cousin. Le roi ne peut pas faire cela, parce que Dieu lui a mis sur la tête le cimier de fleurs de lys et que la première couronne du monde ne peut s'abaisser devant la petite couronne d'un vassal. La première couronne du monde a salué pourtant le cimier ducal de Charles de Bourgogne, fit Jeannin en souriant. « C'est vrai cela, dit vivement Olivier Ledain ou Pierre Gillot. C'est vrai, trop vrai. » On m'avait assuré que tu étais un homme simple, ami Jeannin, et tu me réponds comme un clerc de chancellerie. C'est vrai, sur ma foi, oui. Ce jour-là, la première couronne du monde voulut se montrer courtoise, mais d'un coup de sa tête cornée de fer, le taureau de Bourgogne faillit briser la première couronne du monde. C'est assez d'une fois, le roi se souvient. À cause de cela, reprit encore Jeannin, le roi veut amener à ses pieds, de gré ou de force, son cousin de Bretagne. « Non, pas à ses pieds, mon digne compagnon, répliqua Pierre Gillot avec attendrissement. « Dans ses bras, dans ses bras !»« Et l'on a choisi un pauvre homme de ma sorte. On a choisi un soldat vaillant qui sera chevalier demain pour peu qu'il le veuille. » Jeannin se leva, il ne répondit pas tout de suite. « Nous n'aurions pas réussi le moins du monde dans la peinture morale de ce brave homme si le lecteur pouvait penser qu'en ce moment, Jeannin fut fortement décidé à repousser l'offre de Pierre Gillot. » Ce qu'on lui disait, Jeannin penchait à le croire. Pierre Gillot avait pris plus d'un renseignement sur sa personne. Il venait à lui presque à coup sûr. Jeannin savait qu'une guerre entre la France et la Bretagne serait mortelle à ce dernier pays. C'était l'opinion de Tanguy du Châtel et de tous les esprits sages. Jeannin savait qu'il y avait à la cour de François un parti qui poussait à la guerre. Outre la considération qui lui était personnelle et qu'il avait certes bien gagnée, Jeannin était traité, pendant la minorité d'Aubry, comme le représentant d'une famille noble. Il n'ignorait rien des faits politiques. Était-ce une simple entrevue qu'on désirait ? Jeannin n'y voyait point de mal, au contraire. Néanmoins, le caractère que la renommée prêtait à Louis de France offrait si peu de garanties. En outre, cet Olivier Ledain passait pour un si parfait coquin. Au demeurant, Jeannin se déliait trop de lui-même pour vouloir ou ne pas vouloir. Il se promenait à grands pas dans la salle, et Pierre Gillot le suivait d'un regard sournois, sans plus maudire. Il y eut une chose étrange pendant que Jeannin se promenait. Chaque fois qu'il passait devant la croisée, une voix mystérieuse, qui semblait parler au fond même de sa pensée, prononçait ces trois mots. « C'est le roi ! C'est le roi !» Jeannin se demandait à lui-même s'il devenait fou. Il ne savait pas que Fierabras était dans le buffet, où ce nain spirituel et friand achevait avec plaisir son pot de conserve. « C'est le roi, c'est le roi » disait-il après chaque bouchée. Jeannin fut longtemps avant de saisir le sens de cette phrase si claire. Pierre Gillot, lui, était toujours assis à l'autre bout de la chambre et n'entendait pas. Jeannin s'ennuyait fort du combat engagé au-dedans de lui-même, combat sans résultat possible. « Or ça, s'écria-t-il tout à coup, pourquoi me parles-tu de me faire chevalier l'homme ? « Puisque tu me proposes un prix si élevé, c'est donc que l'action est méchante. J'ai envie de mettre la main sur toi et de t'envoyer à monsieur le sénéchal. »« C'est une idée, cela, » pensa le nain. Jeannin s'était arrêté brusquement devant Pierre Gillot. Il avait les sourcils froncés et les bras croisés sur sa poitrine. Le bonhomme de Tours en Touraine n'était pas Olivier Ledain, car Olivier Ledain fut mort de peur sur le coup. Il eut un petit tressaillement tôt réprimé. Sa main se glissa sous le revers de son pourpoint. Jeannin pensa qu'il en allait tirer une dague et mit la main sur la poignée de la sienne. Mais Pierre Gillot attira tout bonnement l'objet qui pendait au bout de la chaîne passée à son cou. Cet objet était une orfèvrerie, travaillée d'un art merveilleux et représentant Saint-Michel à cheval, terrassant le dragon. Pierre Gillot l'approcha de ses lèvres et le baisa. « Qui m'a donc parlé de choses semblables ?» se demanda Jeannin. Un écho mystique et comme insaisissable se jouait dans son oreille et disait « C'est le roi, c'est le roi !» Il se souvint alors de l'histoire racontée à cette même place par le nain Fierabras. Cet homme au surcot brun qui était descendu dans la cour du monastère et qui avait baisé une image de Saint-Michel quand Jean d'Armagnac, comte de Comminges, était venu lui apporter le refus du duc de Bretagne. Cet homme que le comte de Comminges avait appelé « Votre Majesté ». Jeannin ouvrit de grands yeux et regarda Pierre Gillot d'un air ébahi. Celui-ci ne comprenait trop rien à ces changements qui avaient lieu depuis quelques secondes sur la physionomie du bon écuyer. L'inquiétude lui venait parce que Jeannin ne parlait plus. « Je me suis présenté à vous, l'ami, » dit-il, « avec un signe de votre compère Bruno. Je suis assuré que vous ne me ferez point de mal. Qu'arriverait-il, pensait Jeannin, si le roi de France était prisonnier dans quelque château fort breton, comme la tour Lebas de Rennes ou le donjon d'Ennebon ? Ma foi, le nain entama un second pot de conserve. « Le digne frère vous a donné à moi, » reprenait Olivier Ledain, « comme un modèle d'honneur et de loyauté. Il m'a certifié. » Jeannin l'interrompit d'un geste péremptoire. « Ne mentez pas, » dit-il. « Êtes-vous, oui ou non, Louis de Valois, roi de France ?»« Enfin nous y voici, » pensa Fierabras dans son armoire. Bruno la Bavette fera une relique de son rosaire. Tue Dieu, la bonne aventure. » Fin de la section 6.